Bonjour. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais avoir encore du temps demain. Donc, on va faire ça là. Donc, est-ce qu'il y a du son? Important. Sinon, ça ne sera pas fort, hein? Donc, on verra. Bon, il y a du son. Excellent. Là, ça donne là, que je peux avoir un petit peu de temps seul, puis je pense peut-être que demain, je pourrais pas faire de live. Fait que je vais faire mon direct aujourd'hui. Donc, aussi bien faire ça maintenant. Donc, bon. Bonjour, oui, pour le son, c'est OK. Bon, tant mieux. Tant mieux. Bon, bonjour Lindus. Bonjour Yann. Chanice. Ah, je vous ai jamais. C'est la première fois que je vous vois. Bonjour Marie, Marie-Ève. Ah, Max, bonjour. Ah, Christy. Christy. Christy Testan. Bonjour, Martin. Laurence, bonsoir. OK. Bon après-midi, Isabelle. Donc, est-ce qu'il y avait des choses, là? Parce que c'est ça, demain, je ne pense pas pouvoir faire de direct. Je ne penserais pas, là. Puis là, ces temps-ci, bon, je ne décide pas de l'horaire. Donc, là, ça donne que. Je peux faire un live, un direct de peut-être une quarantaine de minutes. Mais je ne pourrais pas en faire ben, ben plus. Je pourrais pas en faire ben, ben plus. Donc, bonjour Lou. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez jaser? Parce que, bon, oui, ces temps-ci, il y aurait de la chicanerie. Hey, Lou, je n'ai pas eu le temps de vous lire. Ou bien, je vous ai lu, puis j'ai pas. Puis, finalement, je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant. Je m'en occupe pas. Je veux dire, en France, il est 19h30, oui. Ah oui, c'est 6h. 6h de décalage. Bonjour. Ah bon. Donc, c'est ça. Possiblement que je ne pourrais pas faire de direct demain. Mais ça se peut que j'en fasse un quand même. Mais là, si je suis là, le direct, ça va durer une quarantaine de minutes. Une quarantaine de minutes, je n'ai pas beaucoup plus de temps. Donc, bon, par rapport, il y a de la chicanerie, il y aurait des factions qui se créent. Bon, ben, moi, je suis pas au courant de rien. Je suis pas au courant de rien. Je suis pas sur les réseaux sociaux, puis je m'en rends pas compte, là. Je suis pas au courant. Pour toi, que représente Jésus, un être éveillé qui montre le chemin de l'éveil spirituel? Non. Non, parce que ça ferait de lui, parce que représente? Vous voyez, là, déjà là, on n'est plus objectif parce que ça voudrait dire représente. Donc, bon, un peu comme un avocat représente. Mais non, c'est plus clair que ça. Je me tiens loin de la chicane. Ouais, ben, des fois, c'est la chicane qui vient nous. Mais, non, non. Ben, si on regarde par rapport, là, c'est quoi le Christ? C'est quoi ça? Ben là, c'est parce qu'il faut regarder tout le judaïsme. Tout le judaïsme. Puis, prenez les Juifs. Les Juifs. Après l'an zéro, il n'y a pas de prophète. Ça finit là, les prophètes. Puis, ils ne se posent pas de questions. Ils n'ont pas l'air de faire le lien. Ils n'ont pas l'air de comprendre comment ça se fait qu'ils n'ont plus de prophète. Bon, il y a eu Maïmonide, Isaac Louria, des affaires comme ça. Mais ce n'est pas des prophètes, ça. C'est pas ça des prophètes. Donc, comment ça se fait que dans le judaïsme, il n'y a plus de prophètes depuis l'an zéro? Donc, bon. Hein? Ils s'en portent pas mieux. Ils s'en portent mieux. Et on s'en porte mieux. Oh. Ah oui, vous parlez d'être loin de la chicane, moi. Hein? Donc, allons, là. Comment je pourrais dire ça? C'est quoi une incarnation de principe? C'est quoi? C'est comme. Il y a du monde, bon, sont d'accord que l'univers est intelligent, sont d'accord que, bon, qu'il y a des forces, sont d'accord. Puis, tout ce systémique-là, par contre, quand on vient à l'idée que ça puisse pouvoir s'incarner dans un humain, là, il décroche. C'est comme si toute cette force-là, toute cette puissance-là, tu n'étais pas capable de faire quelque chose d'aussi simple et clair. Donc, là, déjà là, il y a un problème. Mais bon, dans le fond, ça revient de la théologie, là, ces choses-là, un petit peu. Mais non, c'est parce qu'il fallait accomplir la loi. Il fallait accomplir la loi. Donc, pourquoi qu'il dit de m'amener, ah, je suis pas venu contre, je suis pas venu abolir la loi, mais pour la confirmer. La confirmer. Bon, dans le judaïsme, il y avait un ensemble de règles, il y avait des règles, puis ils n'ont jamais été capables. Ils n'ont jamais été capables. Donc, il fallait que ce soit fait, il fallait que quelque chose s'incarne dans l'humain, puis qu'il le fasse. Ou sous une forme plutôt humaine. Pourquoi? Ben, étant donné, bon, c'est quoi le rachat des fautes? Comment ça se fait donc? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi les affaires dans le temps, là, le bouc émissaire? Il prenait toutes les fautes d'Israël, il mettait ça sur un bouc, puis il l'envoyait dans le désert. C'est pas que c'est si complexe que ça. Au contraire, c'est assez simple. Mais il est venu faire quoi? Bon, pourquoi qu'est-ce qui représente Jésus? Rien. Parce que c'est pas de la représentation. Mais il reste que, bon, s'il y a un mandat, il y a un mandat pour une collectivité humaine, puis que c'est impossible à cette collectivité-là de le faire, ben, ça va descendre, puis le faire. Il y a quelque chose qui va le faire pour eux autres. Donc, bon. Puis le judaïsme est super. C'est un initié, Jésus? Non, je vois pas ça comme ça. C'est quoi un initié? Un initié, c'est quelqu'un qui s'est lié au collectif humain, puis c'est lié à de la connaissance qui est transmise. C'est pour ça que dans l'Antiquité, les gens allaient se faire initier dans des temples, mais non. C'est pas, moi, je ne vois pas ça comme ça. Le Nouvel Âge, je vais le présenter comme ça. Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi est-ce que le divin incarné aurait à s'initier à ses propres lois? Non, non, il va accomplir ses propres lois, mais il n'y a pas à être initié à. C'est le néophyte, c'est l'exégète qui va se faire initier. Pas, voyons, là, ça devient contradictoire. Donc, est-ce que je considère Jésus comme un initié? Non, pas du tout. Prenez quand il va lire, il va au temple, là, puis là, avec les rabbins, puis il se met à lire la Torah. À quel âge ça arrive, ça? Il y a 12 ans. C'est un peu comme une bar mitzvah, là. Bon, mais c'est pas en train, il n'est pas en train de se faire initier. Au contraire, même la caste des prêtres du temple sont tous surpris de la lucidité puis de l'intelligence de cet enfant-là qui comprend mieux les Écritures qu'eux autres. Donc, il était déjà initié avant de venir au monde, là. Pas besoin d'aller se faire initier. Que penser de la loi de la représentativité qui confère à deux choses de même nature la même propriété? Ben, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Pourtant, Bernard disait que Jésus est un initié. Ben oui, mais Bernard, moi, je le trouve luciférien. Je suis désolé de dire ça, mais ça rejoint des fois Alice Bailey, puis bon. Bernard, il avait lu la cosmogonie d'Urantia, il avait des influences des théosophes, des anthroposophes, puis bon, je suis désolé de dire ça, mais oui, c'est sûr que Bernard, il disait ça. Bernard, là, il a commencé, lui, dans le Nouvel Âge, dans le fond. Quand tu t'en vas passer chez Glenn, puis que tu fais des conférences où tu parles de toutes sortes d'affaires qui sont à la mode, surtout dans les années 80, bon, ben là, je m'excuse, mais c'était du Nouvel Âge quelque part. C'était du Nouvel Âge. Pourquoi Bernard disait que Jésus était un initié? En voulant dire, ouais, je sais, ça dépend comment on regarde ça, mais est-ce qu'on va considérer comme il y en a qui disent dans le Nouvel Âge que là, quand ils sont allés en Égypte, quand la Sainte Famille était en Égypte, là, Jésus il a reçu un enseignement dans les temples égyptiens. À un moment donné, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le savoir, c'est instantané. Aller se faire initier, ça, c'est de la connaissance. Je ne pense pas qu'il y avait besoin de ça, là. Ça ne veut pas. Bernard parlait de beaucoup de choses bizarroïdes. C'est ça. Ben oui, parce qu'il fallait rejoindre les bizarroïdes. On est dans une société bizarroïde. Donc, il fallait rejoindre les bizarroïdes. Puis pour ça, il faut parler leur langage. Donc, bon. La définition d'une image d'un État unifié, Dieu. D'un État unifié, Dieu. Moi, bon, il faudrait peut-être spécifier là, ce que je voulais dire. Il est bon de remettre en question ce que Bernard disait. Ben oui. Ben oui. Voyons, là. Ben, lui-même, il était le premier à dire, il ne faut pas croire ce que je dis, puis ce que je dis aujourd'hui, je peux le défaire demain. Il n'a jamais dit au monde de faire une doctrine avec ce qu'il disait. Ça n'aurait pas de bon sens, ça. c'était le contraire. Ce que je veux dire, ce qu'il parlait, finalement, c'était le contraire. Puis c'est en train d'aboutir au contraire. C'est en train de... Hey, le chat, là! Tu veux ça, tu vas aller dehors? Il fait froid, là. Fatiguant. Non, non, non. Donc, ben oui, c'est sûr que moi, je ne prends rien pour du cash, là, si ce n'est pas vérifiable, si je ne peux pas. Bonjour, Marolo. Ah, Florence. Donc, hey, là. Ben non, Bernard, là, il y a des aspects de nouvel âge un petit peu. Parce qu'il s'adressait à un public qui était là-dedans. Qui était là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour ça, il y en a, c'est pour ça que ça m'a mis un petit peu en colère, me faire dire j'ai remplacé la parole de Dieu par la parole de Bernard. Bernard, ce n'est pas une parole au sens d'une forme fixe, c'est la parole au sens d'un exercice. Pas pareil, ça n'a rien à voir. Grande différence entre les mots et la vibration. Et voilà. Ben oui, tu penses quoi des traditions primordiales? Ben, il y aurait une tradition primordiale, à ce qu'on nous dit, à partir des années 60. Il y a du monde qui sont venus parler de la tradition primordiale. J'avais fait une vidéo sur ça. Mais la tradition primordiale, c'est juste les connaissances liées au cycle. Liées au cycle. Puis, bon, ben, par exemple, les temps antédiluviens, ces affaires-là, les cycles, puis les temps. Les temps. Donc, bon, je pense quoi de ça? Jusqu'à un certain point, je me suis dissocié de la tradition primordiale. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des affaires, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis de nos jours, on a des gens qui disent, ils sont là à dire, nous, on a la tradition primordiale préservée sous sa forme originelle, ce qui est pas, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est de la connaissance, la tradition primordiale. En tout cas. S'ils n'ont jamais écouté Jean-Noël, Mandy, je ne connais pas, ils auront du mal à comprendre. Moi-même, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas c'est qui. Quand même, par les temps qui courent, beaucoup de choses que BDM a mentionnées, on est pas mal dedans. Moi, Malou, tu, comme il avait dit que les banques, ça s'était fini en 2014, puis bon. La fin de cyclique, avoir du discernement et ne jamais croire, visiblement, il avait raison là-dessus. Ça, ouais. Oui. Sinon, pourrait-on en parler de quoi? Il faudra que je voie plus haut. Les promesses de livraison de tanks pour l'Ukraine risquent d'accélérer les hostilités à plus grande échelle. Ben, moi, ça fait plusieurs années que je dis qu'il va y avoir une guerre. Bon, c'est pas par c'est par déduction. Puis aussi, on sait que c'est prévu. Hein? Il y a trois guerres de prévu. Puis là, ça, c'est la. Bon. Puis bon, c'est sûr, il y en a, ils veulent être. Ils veulent être positifs. Ben oui, mais là. En tout cas. Bon, oui, c'est sûr, ça va accélérer les hostilités. Je suis positif là-dessus. Considérez le mon Dieu comme acronyme. Ah, ça dépend, là. Mais prenez les termes je suis. Il y a Jésus là-dedans. En tout cas, tu sais, je veux dire, on peut jouer longtemps, là, avec des affaires de même. Qui ça, vous et moi, nous tous, ah. Je m'étais rendu compte de ça, bon, là, j'ai pas ça ici, mais j'avais, à un moment donné, je m'étais intéressé le latin puis le français, qui sont des langues faites, je veux dire, X te chola et c'est des langues faites pour des jeux comme ça. C'est pas pour rien, en français, on va dire qu'il y a une grammaire. Mais ça vient de jusqu'à un certain point. Il y a des affaires qui viennent du phénicien puis de l'hébreu. Aussi, ce qu'il y a en certains appelé la géométrie. Puis là, ils font des ateliers sur la géométrie. Là. Moi, la géométrie et ces affaires-là, j'ai étudié ça autour de 2012-2013 par correspondance avec une dame qui est aujourd'hui décédée. Qui, elle avait étudié avec des Juifs séfarades. Puis, ça me fait bien rire quand je vois les gens parler d'Aleph puis de géométrie, là. Parce que c'est pas du tout ça, la tradition. C'est autre chose, là. C'est donc autre chose. Mais il faut leur envoyer des liens pour qu'ils sachent de quoi vous parlez, moi. Vous pensez quoi de l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ben, l'arrivée, ça fait longtemps que c'est là. C'est quoi l'astral? L'astral, c'est la première intelligence artificielle de la planète. C'est-à-dire, c'est de la mémoire, c'est intelligent, oui, mais c'est pas conscient. Donc, ça s'enregistre inconsciemment d'une façon autorégulée. Les aspects cybernétiques du domaine de la pensée sur notre planète. Donc, c'est quoi l'arrivée de l'intelligence artificielle? C'est une densification de ça. C'est sûr que ça va jouer contre l'être humain. J'aime pas beaucoup James Cameron. Puis, après avoir tourné un film en Italie, ta gueule, le chat, après avoir tourné un film en Italie, il avait eu une sorte de vision. Puis c'est là qu'il est né dans son esprit l'idée de Terminator. Mais si on regarde au-delà de la forme, c'est ça l'intelligence artificielle, puis ça n'a pas le choix d'être contre nous autres. Ça n'a pas le choix. Il n'y a rien de plus luciférien que ces technologies-là. Donc, toute matérialité subit à la légalisation de l'esprit qui l'impose. Subit la légalisation de l'esprit qui l'impose. Ben, je suis d'accord que l'esprit, c'est une imposition, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais bon, mais non, c'est juste pour vous dire, prenez, comme quand j'avais étudié avec cette dame-là. Elle est décédée aujourd'hui, elle aurait quasiment 100 ans si elle n'était pas décédée. Puis, elle, c'est comme l'aléph. C'est quoi l'aléph? Le côté, c'est certains aspects fractales de certaines lois universelles. Bon, ben, ça va pas mal plus loin que ce qu'on entend ces temps-ci, les aléphs. Pour ça, moi, je vais toujours dire l'aléph. Pourquoi? Parce qu'il est question d'une unité qui contient la multitude. Donc, c'est l'aléph. L'aléph. Puis, je m'en fous que Bernard ait dit les aléphs. Parce que lui, dans le fond, c'est un des premiers qui a autant dénoncé que ça, le Nouvel Âge. Mais il était bien placé pour le faire parce qu'il était un petit peu dedans. Il était un petit peu dedans. C'est correct. Mais l'aleph, c'est pas pluriel, là. T'sais, pourquoi il était dit que aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu? Pourquoi il était dit que ça contient tout l'alphabet? Pourquoi, justement, Joshua, Jésus, il est allé dire « Je suis l'alpha et l'oméga. » Il est là le principe de l'aleph. Il n'est pas dans des formations sur les alephs, l'intégration des alephs. Prenez les temps mosaïques, là, Moïse, puis avant lui, là, vous avez Isaac, Jacob, Abraham, ces affaires-là. Là, c'est le principe de la volonté. C'est pour ça que les Juifs sont sous la loi, une loi. Parce que c'est quoi qui était descendu à ce moment-là, le principe de la volonté? Après, il y a le christianisme. Il arrive un Christ, c'est-à-dire quelqu'un, une incarnation de principe, entre autres. Là, c'est l'univers fait homme, carrément. Là, c'est le principe de l'amour. Comme j'ai un 11e commandement pour vous, aimez-vous les uns les autres, ce qui nous porte à 614 lois. C'est la 614e loi. Donc, là, ça, c'est le principe de l'amour. Le principe de l'intelligence, lui, on n'est pas rendu là. Ce serait le second avènement. Mais que ce soit le second avènement, là, on peut en parler, pareil. Mais le principe n'est pas intégrable au sens collectif maintenant. Ce n'est pas le temps. Puis, l'islam n'a pas rempli ce mandat-là. Pas du tout. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont descendu le principe de l'intelligence, eux autres. Donc, c'est pas encore là. On verra. Législation. Bon, allez. Il fait jour au Canada? Ben oui. Nous sommes 6 heures en arrière au Canada. Un jour, j'ai écrit, tout est là. Depuis, j'arrive plus à écrire comme avant. Ben, à un moment donné, peut-être que ça va se. Peut-être. C'est pas vous, Trinity? Vous ressemblez à Trinity, le visage, même si je ne vois pas très bien. Mais, ouais, ben, comment je pourrais dire ça? C'est comme dans le temps que je faisais des arts visuels. Mon médium préféré, c'était l'huile. Puis, bon, je faisais mon croquis au fusain directement sur la toile, puis je peignais par-dessus. Puis, j'étais rendu pas pire, je veux dire, j'étais rendu assez habile, puis tout allait bien. Du jour au lendemain, puis capable. Jour au lendemain. Non, Trinity, c'est pas moi. OK. Bon, c'est juste de loin, là, ça ressemble un petit peu. Mais non, du jour au lendemain, puis capable de peindre. Je composais de la musique aussi, puis je jouais de plusieurs instruments. Du jour au lendemain, puis capable d'en écouter, puis capable d'en faire. Donc, bon, il a fallu que je fasse d'autres choses. Le langage est aussi un outil de programmation. Ben oui. À observer en français, on dit très souvent je pense et je crois. Ben oui, juste par le langage. Juste par le langage, pour en arriver en humanité et considérer l'autre comme un autre que soi. Ah, législation, ok, bon. Les intérêts se perdent, moi aussi, perdu l'intérêt de la musique et des arts. Ben oui. Puis qu'est-ce qui te dit anciennement? Ça vient des mémuses. Les mémuses. Puis, qui siège au milieu des muses? Apollon. Apollon qui porte la lumière, blablabla. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que toutes les arts inspirées viennent de l'astral, puis que qu'est-ce qui préside au-dessus de ça? Les forces luciférienne. Là, vous allez voir le jeu des influences, pourquoi culture vient de culte, pourquoi les artistes sont portés à la drogue puis à des mœurs dissolues, pourquoi ils sont détestables comme ça. Ben, ils sont sous l'influence de des forces. L'inspiration, ça vient d'où l'inspiration? Si je parle de l'inspiration artistique, je ne parle pas de l'inspiration qui vient de plus haut que ça. Donc, ouais. Ouais. Comment ça se fait que les artistes, ils sont souvent excentriques? Ils aiment ça, avoir les cheveux de toutes sortes de couleurs, sont tout percés, ils sont tout beurrés de tatou. Et pourquoi est-ce qu'ils sont portés à la drogue? Comment ça se fait qu'il y en a qui prennent la drogue pour être en contact avec l'astral? Ben, ne m'en posez-vous pas de questions. Vous regardez les vieilles gravures de l'Antiquité, vous regardez les muses, puis vous regardez Apollon assis au milieu des muses, puis vous allez le voir d'où ça vient, puis c'est quoi. Hein? C'est eux autres qui font mes muses avec nous autres, mais on n'est pas obligé de se laisser faire. On n'est pas obligé de se laisser faire. Bon, ben, j'aime faire mon jardin et les travaux forestiers. Oui, ça, c'est sain. Ça, c'est sain. Puis même, là, tantôt, il faut que je fasse un poulet, là. Ça va être la joie parce que j'aime bien mieux faire ça que de composer des poèmes ou bien faire comme dans le temps, là. Puis on finit que les artistes, on les voit comme des enfants. C'est comme des petits enfants. Ils jouaient avec l'astral, l'astral jouait avec eux autres. Puis c'est de la médiumnité à un moment donné. Prenez une chanteuse comme Marjo. Marjo, c'est une excellente parolière. C'est une excellente parolière. Puis les mots, je suis sûr qu'ils venaient tout seuls. Elle faisait juste écouter la musique, puis les mots, ils venaient tout seuls. Bien, c'est sûr, c'est de même que ça marche, l'astral. Fait que, bon, il faut lui donner ce qu'elle a. C'est une grande artiste. Mais en tant que personne, elle n'est pas endurable. Pas endurable. C'est un autre lifting, là, pour avoir les commissures des yeux en arrière de la tête. Bien, ça, c'est laid. Ça, c'est laid. Puis bon. Prenez, comment ils s'appelaient eux autres, le groupe de sorcières, là, Jinx Dawson, Coven. Et là là. Et là là, ouais. Ça fait dur, hein? Ben, c'est ça. Puis pourtant, elle a bien vieilli, cette madame-là. Mais elle a eu de l'aide, hein? Elle ramasse la force vitale des autres. En tout cas. C'est assez difficile de se défaire de ses habitudes de langage. Ouais, mais il y en a qui vont faire l'exercice, ils vont parler sans le je. Sans dire moi, sans dire le je. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'au niveau d'exercer votre parole, il y a je puis il y a je. Un je qui s'assume, ça peut vibrer très haut. Très haut, puis ça n'aura pas la même vibration que le simple je m'aime-moi habituel. Mais là, c'est rendu autre chose. Le fait de parler au nous au lieu de au je, change-tu quelque chose à la programmation, à la manipulation? Des fois, moi, je vais parler au nous. Ça m'arrive. Est-ce que ça change quelque chose à la programmation, à la manipulation? Oui, au niveau de la forme. Mais pas au niveau. Je viens d'arriver, mais j'ai vu quelque chose de semblable. Je me suis perdu dans mon rôle de mère pendant une dizaine d'années. Je tente de me retrouver, mes passions artistiques, musicales, etc. Dans le fond, vous vous êtes trouvé, vous êtes supposé vous trouver dans le rôle de mère. C'est spécial de vouloir retrouver les affaires artistiques, ça vous manque. Ça me fait penser, il y a des femmes, ils viennent d'accoucher, puis là, sont en congé maternité, puis ont hâte de retourner au bureau. je comprends pas, là. Ben, franchement, là, moi, ce serait le contraire, là. Je veux dire, ben là, quoi que, bon, ça ne vient pas, c'est fini. Ça ne revient pas, c'est fini. Ah, ça se pourrait que ça revienne. Ils finissent en dépression souvent. Ouais. Ben oui. Les oracles de la Grèce antique étaient sous influence de gaz hallucinogène. Moi, vous parlez comme la petite Delphes, là. Ben oui. Ben, comme il y en a qui prennent la drogue, puis c'est là qu'ils ont l'inspiration avec les muses. Les cavernes étaient remplies d'un gaz hyper réactif qui les fait halluciner. Ben oui, puis pas juste ça, ils mâchaient du laurier hallucinogène pour être en contact avec Apollon. La petite Delphes, c'était Apollon. On pourrait quasiment dire Lucifer en personne. Hein? Qu'est-ce qu'il dit dans les vieux écrits? C'était l'ange préféré de Dieu, le plus beau. Puis il est Dieu de quoi, Apollon? Hein? De la lumière, puis c'est de la beauté. Donc, Lucifer, le porteur de lumière. J'ai bien de la misère avec ces vieilles affaires-là. J'ai ben... Parce que dès qu'on gratte un petit peu la forme, on voit la game en arrière. Hein? Puis, bon, moi, Apollon qui mange la marde. Puis, pas à peu près, là. De toute façon, là. Les sorcières de Souic manger des noyaux de cerises. C'est ça pour moi, là. Les sorcières de Souic. Ben, prenez comment elle pose pour une folle, celle qui se rend, la seule qui se rend compte de ce qui se passe dans cette histoire-là, elle pose pour une folle. Puis, elle en meurt, son mari, là-dessus. C'est ça un martyr, c'est ça. Pas, moi, ça m'avait frappé, ça, quand j'avais vu ça dans le temps. Non, ça ne me manque pas. Bon, vous voyez, donc, ça veut dire la vie est remplie par autre chose. Je connais quelqu'un qui dit que les lettres sont piégées. Comme le N veut dire haine, le U, être, il ne dit pas de je suis, suivi. Dit... Bon, au niveau là, de ce qu'il y a derrière les formes, ce qui est important, c'est les lois qu'il y a derrière les lettres, pas la lettre en tant que fixité. Ben oui. Mais prenez. Alors ça, à un moment donné, il va falloir que j'en parle de ça. À un moment donné, je prendrai une lettre, là, puis on la défera jusqu'à la fin. On la défera. On pourrait prendre le G, tiens. Il y en a qui aiment bien ça, mettre ça entre une équerre et un compas. On parlera le G, il vient d'où? Pourquoi est-ce que j'associe ça au bélier? Le bélier, c'est quoi ça? Bon, j'adore être mère, mais on me dit souvent que je me suis perdue en tant que femme. Mais je suis bien en maman. Vous voyez, là, c'est spécial, ça. Qu'on vous dise ça, que les gens vous disent ça, qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? J'ai adoré élever mes enfants. C'est des meilleurs miroirs au gourou. Appelle ça comme tu veux. Ben oui. Vous savez, des fois, j'ai des regrets. Bon. Bon, c'est sûr, on en a tous, hein? Bonsoir, Berthold. Bonsoir, Marie-Jeanne. Car, quand même bizarre, les mamans d'aujourd'hui passer de retourner au travail. Ils ne sont pas dans le moment présent. Ben non. Il y en a beaucoup que, bon. Puis, imaginez une dame qui est à sa ménopause, puis elle n'a jamais eu d'enfant parce qu'elle s'est consacrée à sa carrière. C'est sûr qu'il va avoir des petits moments dépressifs où elle se sent vide un peu. C'est sûr. Puis, bon, c'est pas naturel, hein, de pas avoir d'enfant. Il y a quelque chose de contre-nature pour ne pas avoir d'enfant. C'était, anciennement, c'était la pire chose pour une femme, c'était d'être infertile. Mais bon, c'est sûr, si on regarde le contexte social du temps, des fois, le seul moyen d'être quelqu'un en société, c'était d'avoir un fils. Mais bon, et certains parlent trop. Rentrer le moule, moi. Que peux-tu dire sur la moitié de l'humanité qui serait portail organique? Je sais pas, moi, vous savez, l'affaire des portails organiques, là. Tu sais, j'embarque pas trop là-dedans. Ça dépend de ce qu'on veut dire par ça. Mais ça, c'est des influences du gnosticisme, là. Hein? Qu'est-ce que vous avez contre les béliers? Ben rien. De rien. Je parle le bélier. C'est quoi l'esprit du bélier? C'est quoi ça? Ça symbolise quoi? Puis bon, c'est la tête, hein, le bélier. Ça dépend là, de quoi on parle. Jéhovah en anglais, I am, et oui, Jésus, je suis, ben oui. Ben oui, vous prenez je suis, là, vous le mettez dans un hexagone, dans des six triangles, puis vous allez voir Jésus, puis je suis. Ça dépend là, comment on le regarde, mais oui, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Bonsoir, et moi, un petit cinquième enfant. Ah ben. Merci, Lou. Je tentais de briser une fois pour toutes ce type de pensées qui veulent s'incruster. Je suis mère à la maison et bien là-dedans, même si ça étonne tout le monde. Puis moi, ce qui me surprend, c'est comment ça se fait que ça étonne. Ah, bonjour, Annette. Madame Urbanski, ça fait longtemps. Mais moi, je vous pose la question, pourquoi ça étonne? On a été conditionnés, les Canadiens français ont été conditionnés à ne plus faire d'enfants, puis là, on nous chiale après, oh, il n'y a pas assez de la population vieillie, il faut faire venir de l'immigration. Puis au lieu d'avoir des personnes âgées, que c'est leurs enfants qui en prennent soin, c'est des Haïtiens puis des Camerounais qui en prennent soin. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Puis prenez Mordecai Richler qui avait traité les mères canadiennes-françaises de truies. On pourrait retourner le compliment à sa communauté quand on regarde Anne-France Goldwater. Mais c'est pas le même genre, hein? Pas d'enfant, oui, c'est contre nature. Alors je prends la nature comme une mère aimante. Ouais. Bon, des fois, j'ai des regrets. Surtout avoir eu des enfants quand c'était le temps. Aujourd'hui, il y aurait l'âge de m'envoyer promener. On aurait du fun, hein? On aurait du fun. J'ai cru comprendre que Lucifer était considéré comme le Christ jusqu'à 400 après Jésus-Christ et que ça a été changé par les chrétiens lors de la traduction du judaïsme qui n'a pas de voyelle. Ça dépend, là. Ça dépend. Parce que dans les dernières années, on a vu apparaître des gens qui sont en train de tout nous défaire. C'est comme, qui vont dire, oh, l'arche de Noé, c'est une ziggourat en pierre. Ben oui. Ben oui! Wow, là! Un instant! Un instant! Non, non, l'affaire, moi, je trouve ça a tout été clair. Puis même les théologiens du passé, c'était clair. Là, l'affaire, c'est quoi Lucifer? C'est quoi Apollon? C'est quoi ces affaires-là? Puis, Lucifer était considéré comme le Christ jusqu'à. Wow, là! Un instant! Un instant! Parce que. Le verbe qui s'est fait chair, c'est pas pareil, là. Apollon, c'est pas de la chair comme on l'entend, là. Donc, c'est un porteur et tout, hein. C'est des portes, bon. Donc, c'est réflectif, on peut dire. C'est sublunaire, hein. Tandis que le Christ, ça, c'est solaire. C'est solaire. Puis, ça même, ça transcende ça. Donc, j'ai eu quatre fils et une fille. Ils sont grands maintenant. Mais aujourd'hui, j'y réfléchirai deux fois. Ben, au moins, maintenant que c'est fait, vous n'aurez pas à y réfléchir. Ce qui est fait, est fait. Hein? C'est comme quand vous dites, bon, mettons, l'ultime prêtre, les prêtres, c'était des sacrificateurs. L'ultime prêtre, c'est sacrifié lui-même. Pourtant, il y en a qui répètent à tous les dimanches le même sacrifice. Pourtant, il est bien écrit, ce qui a été fait une fois pour toutes. Pourquoi je parle de ça? Je me souviens pas. Le Québec va se japonifier, trop de vieillards, pas assez d'enfants et une population qui nous remplace subtilement et tranquillement. Montréal est déjà une ville conquise et perdue à jamais. Ben, moi, je trouve que ça n'a jamais été un gros char, mais bon. Non, non, faut pas. Ben non, à un moment donné, là, c'est parce que Montréal, c'est une métropole, un peu comme Toronto, c'est normal, puis c'est un port. C'est normal que ce soit cosmopolite un petit peu, là, c'est pas grave. Là, non, non, non, non, là, on va pas paniquer. Mais j'irai jamais vivre là. Le regret, ce n'est pas d'avoir eu des enfants. Le vrai regret, c'est de ne pas avoir été en capacité de les élever en conscience, au moins un tant soit peu. Vous savez, ça donne à rien d'avoir des regrets par rapport au passé. Puis, bon, à un moment donné, vous allez vous en rendre compte. T'es vraiment drôle. Bon, OK, si vous le dites. Le Nouvel Ordre mondial veut maintenir la population à 500 millions. Ben, ça, c'est les Georgia Guidestones, mais bon, je pense que c'est encore pire que ça. La population à 500 millions, une seule région, une seule langue. Non, il va y avoir 10 régions. Il y a 10 régions. Prenez comme. Moi, je suis dans la région 1, qui est le Canada, les États-Unis, le Mexique. Ça, c'est la région 1. Ça, c'est le CFR, la Commission trilatérale, le Club de Rome. C'est eux autres qui ont divisé le monde en 10 régions. Mais oui, une seule langue de. Bon. En tout cas, hein, la paix. Qu'en dis-tu, s'il te plaît, une seule langue et la paix? Bouf. Il va tout le temps avoir des langues. Puis ça, bon, on le sait depuis Nemrod, le roi Nemrod. Ben, comme par exemple, moi, je ne peux pas fonctionner en anglais, là. Alors, moi, je n'avais pas le choix. Mais le chat est déjà une sacrée responsabilité. Vous compensez, ben, j'en voulais pas, moi, de chat. Il s'est imposé. Puis là, Astor qui est ici, puis qu'on l'a soigné, puis tout, mon entourage ne veut pas que je m'en débarrasse. Le dernier, je m'en suis débarrassé. J'ai appelé la SPCA, puis ils sont venus le chercher. J'ai été dépressif un petit peu pendant 2 semaines. Je m'en voulais. Mais il reste que je ferais pareil avec lui. J'en ai pas besoin de ça. J'en veux pas. C'est mon entourage qui veut le chou. Bon, en tout cas, religion. Moi, ouais, attendez, là, par rapport à quoi? Une seule langue, la paix, une seule religion. Bon, ben, on est en train de nous préparer une forme de cosmisme qui va être la religion du nouvel ordre mondial. Moi, je le vois de même. C'est pour ça que ça me met en colère, le messianisme extraterrestre, ça m'écœure. Je trouve ça dégueulasse. Surtout qu'on a été averti pour ça. On a été averti pour ça que dans le passé, ben, donc, attention. Moi, ce que je dis, c'est attention. On a affaire à des forces qui ont tout le temps voulu être adorées comme des dieux, qui se font passer pour des dieux. Prenez Apollon. Bon. Les regrets, c'est regrettable, moi. Hein? Que pensez-vous du chaos prévu par certains? Je ne veux pas penser à ça. On le sait que ça s'en vient. C'est déjà, vous ne trouvez pas que c'est déjà le chaos? C'est ordonné par le chaos. C'est l'ordre par le désordre. C'est juste ça. Donc, ça fait partie d'une polarité. Le chaos fait partie d'une polarité à ce niveau-là, là. Fait partie d'une polarité. Puis l'ordre par le désordre, ça, c'est pour la masse. Donc, si on embarque dans ces idées-là, on va se faire mettre à l'ordre. Puis c'est justement ça, moi, que j'essaie d'éviter. Dans le sens qu'il va falloir créer votre propre ordre autour de vous. Si vous ne voulez pas vous faire. Hey, Trinité qui est là. J'ai fait un rêve assez spécial sur vos vies antérieures en Chine. Ah oui, ça devait être spécial en effet. Ça devait être spécial en effet. Je ferai un audio, ah, ben, j'irai voir. C'est vrai que, bon, ben moi, mes yeux, c'est plus de la sympathie vibratoire liée à de la mémoire. Ben, je n'ai jamais pensé que j'avais nécessairement eu des vies antérieures. Si je me mets à penser ça, vous étiez vêtu en vert, bon, ça doit être dans le temps des Song du Sud. La dynastie des Song du Sud. Donc, vous avez dû me voir avec un Hanfu vert. Donc, en me promenant dans des lieux où il y avait la mer, avant, je trouve plein de coquillages à 1000 mètres d'altitude. On ne se sent pas grand-chose, pourtant, c'est extraordinaire de vivre. Moi, ce qui est. C'est ordinaire de vivre. Ce qui va être extraordinaire, ça va être de survivre. Dans le fond. Puis, c'est le support de l'extraordinaire, c'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire. Hey, c'était le nouvel an lunaire dernièrement. Je me suis sorti des saucisses, là, ces chouanaises, puis je ne les ai pas encore faites. Bon, il y en a qu'ils trouvent. Ils voudront. Mon entourage ne veut pas manger ça. Pourtant, moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que c'est salé. Puis bon, c'est sûr que c'est artisanal. Hein? C'est un boucher de Toronto qui les a faites. Mais moi, j'aime beaucoup la charcuterie sichuanaise. Mais bon, je suis loin des grands centres. Hein? Il y a un moment donné, là, je m'étais dit, ah, je pourrais me faire. À un moment donné, j'étais à Montréal. Puis je voulais aller m'acheter un canard laqué. Puis il faut aller dans une boucherie parce que sinon, il faut commander ça 24 heures à l'avance. C'est très long à faire. Puis finalement, j'étais avec quelqu'un de végétarien, puis la chicane a pris. La chicane a pris. Donc, survivre. Ben oui. Vivre, c'est pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, peut-être. Mais c'est de passer à travers. Passer à travers ce qui vient, c'est tout. Donc, ah, ça fait 40 minutes, je vais devoir cesser bientôt. Observer sans intervenir, oui. C'est l'observation, hein, la clé de tout. La clé de tout. Je veux dire, si on considère que la conscience, c'est une dispensation, pourquoi qu'il y a des forces rebelles puis qui veulent pas obéir à l'être humain? C'est parce que l'être humain, il y a une dispensation, c'est sa conscience. Il y a des intelligences qui n'ont pas de conscience. Puis en plus, si on est observateur puis qu'on comprend certaines choses, là, on va avoir de l'autorité. De l'autorité même sur des êtres qui nous sont, entre guillemets, supposément supérieurs. Ils n'ont pas le choix d'obéir. C'est pour ça qu'il y a un jeu au niveau de la connaissance. On a coupé l'être humain de son savoir en se servant de la connaissance pour le noyer le poisson, pour le duper. Puis c'est pour ça que je suis toujours surpris de voir des gens qui viennent me parler de la parole de Dieu puis qui, clairement, ils n'ont jamais lu la Bible. Ils ne l'ont jamais lu parce que c'est spécial. C'est spécial parce que ça, y a des choses... Il y a des choses qui sont incapables de souffrir de l'interprétation. C'est clair, net et précis. Puis, il y a bien des babines. Hein? Il y en a, ils ont les babines, mais les bottines, ils n'ont pas les bonnes bottines. Fait que, bon, à un moment donné, moi, j'ai bien de valeur. Si quelqu'un vient me voir en se référant à ça, ouais, mais moi, je l'ai lu, là. Si je vois une simple... Les incohérences sont visibles immédiatement. Immédiatement. Puis finalement, non, ils se sont construits un dieu à leur image. Puis ils sont esclaves sans s'en rendre compte. Puis, bon, je veux dire, quelqu'un qui a lu la Bible puis qui pense que c'est la parole de Dieu, il ne va pas se tatouer. C'est écrit dans le Lévitique de ne pas faire ça. En plus, tout le temps, des tatouages liés à de l'occulte ou de la mort. On reconnaît un arbre à six fruits. Moi, je vois que ce n'est pas long, là, pour me faire une idée. Fait qu'attention, là, ceux qui veulent me ramener la parole de Dieu, un instant. Là. Un instant. En tout cas, observer, oui, sans jugement et sans émotion, c'est pas simple. Moi, l'affaire, c'est un jugement objectif ou subjectif? Comme quand il dit, il n'est pas dit de ne pas aller enlever la brindille dans l'œil du voisin, il est dit d'enlever la poutre qu'on a dans l'œil avant de le faire. Donc, il y a une nuance. Il y a une nuance, mais je veux dire, c'est juste rendre service des fois d'aller enlever la brindille dans l'œil du voisin. Mais c'est juste que, bon, ça va tout le temps être lié à une intégration. C'est-à-dire que ce que j'ai intégré, après, je me permets. Fait que, donc, c'est s'enlever la poutre à un moment donné. Là. Question, est-ce que Bernard de Montréal s'est inspiré des écrits de Mme Lavatsky? Il semblerait qu'il y a des influences des fois, notamment quand il parle des races racines. Ça vient des théosophes, ça. Ça vient des théosophes. Le problème, c'est que ça fait partie de la tradition primordiale, c'est-à-dire que ce n'est pas la Blavatsky qui a inventé ça. Ce n'est pas la Blavatsky qui a inventé ça. Donc, on pourrait dire oui, plus ou moins. Donc, intégrer, transcender, passé, présent, futur. Moi, ben, au niveau de l'œil d'une tempête, puis de l'intégration, puis de créer un centre, il faut que tout ça ne fasse qu'un. Puis, à un moment donné, même le temps, il est possible de transcender le temps. C'est-à-dire que vous allez voir le futur en germe dans le présent. Donc, ça revient quasiment à voir dans le futur. Pourtant, ce n'est pas de la divination. C'est de la déduction. Puis même là, ça ne sera pas de la déduction au sens intellectuel. Ça va être une vue, c'est tout. Encaisser ou transcender? Encaisser, c'est transcender. Ça dépend comment on fait ça. Donc, bon, ben moi, je vais y aller. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée à tout le monde. J'ai fait 44 minutes. Puis possiblement, je vais recevoir du monde dans pas long. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Puis, merci d'avoir été là. 82 personnes, c'est beaucoup. Bon, bonne soirée aux gens en Europe, puis bon après-midi au Québec. Au revoir.